Bonjour Julie. Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, et à l'approche de notre 100e épisode, nous avons décidé de faire un micro-numéro d'utilité publique, un Bollywood pour les nuls. Oui, parce que si tu étais une personne lambda, plus habituée à Martin Scorsese que Vishal Bardwaj, et que je te demandais « Mais qu'est-ce que c'est Bollywood ?», tu me répondrais… Slumdog millionnaire et J-Ho, coup de foudre à Bollywood, beaucoup de kitsch et de grosses romances bien aises sur fond musical. Non. Mélanie, tu es le maillon faible de ce podcast. Au revoir. Bon, évidemment, vous l'aurez compris, ce sont de gros clichés. Allez, on va vous aider à comprendre pourquoi Bollywood est si riche et bien plus complexe qu'on ne l'imagine. C'est parti pour une revue de Presse Express. En 2021, arrive sur tous les primes vidéo du monde un film indien qui va créer l'unanimité chez le public occidental, Sardar Udham. Réalisé selon des codes similaires au cinéma anglo-saxon, basé sur des faits réels quasi inconnus du grand public, le film captive l'audience devant la vengeance froide et méticuleuse d'un Punjabi qui va assassiner un ancien gouverneur des Indes britanniques. Cet assassinat est la conséquence du massacre d'Amritsar réalisé par les Anglais en 1919. Oui, mais voilà, ce film, c'est de la propagande douce. En fait, depuis 2014 et l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi, les films dits historiques sont devenus des supports idéologiques où il est de bon ton de rappeler que les musulmans et les anglais sont des menaces depuis la nuit des temps. Que ce soit Tanaji, Manikarnika, Panipat ou Sardar Udham, l'histoire passe à la moulinette pour que seuls les détails arrangeant le parti au pouvoir ne soient retenus. Quitte à carrément inventer des passages pour mieux glorifier les héros. Si le procédé était intéressant en 1940 avec Sikandar, un film où le combat entre Alexandre le Grand et Porus servait à appeler à la révolte contre les colons britanniques, il est beaucoup plus problématique de nos jours alors que les communautés musulmanes perdent leur nationalité et se font refouler dans des camps. Bon, ça, c'est pour la partie sombre de Bollywood. Mais penchons-nous par exemple sur Pink, le film, hein, pas la chanteuse. En 2016, surgit un film avec la plus grande star de l'Inde à propos d'un procès contre trois jeunes femmes accusées de violence alors qu'elles se sont défendues de tentatives de viol. Vous l'ignorez sans doute, mais Bollywood possède l'une des branches indépendantes les plus prolifiques sur le féminisme. Attaque à l'acide avec Chapak, droit de la communauté LGBTQ avec Bad Aido, ou Margarita with a Straw, condition des veuves avec The Last Color, ou encore sexualité féminine avec Lipstick Under My Burqa. En comédie, drame ou même film d'horreur comme Einstein et Bulbul, Bollywood aborde toutes les thématiques fortes de sa société sans concession et sans jamais verser dans le mélodrame tire-larme. Et bonus, ce sont des films de 2 heures max. Non. No means no. Bon alors, évidemment, tout n'est pas non plus un petit bijou de cinéma dans l'industrie indienne en langue hindi. Si Bollywood a longtemps été qualifié de bollycat, c'est bien parce que celui-ci a souvent copié-collé ses voisins occidentaux pour en faire une version wish. Que ce soit Love Actually, Sherlock Holmes, 10%, Retour vers le futur et même le dîner de cons. Mais notre préféré restera toujours Abracadabra, une version nanardesque d'Harry Potter à mourir de rire avec ses tapis volants, sa directrice adepte du BDSM et son petit Casper le fantôme en 3D bas de gamme. Pour celles et ceux qui préfèrent les bons vieux films, on ne peut que recommander de s'engouffrer dans le curry western. Oui, oui, vous avez bien entendu. Quelques décennies après le western spaghetti, l'Inde, alors en pleine crise sociale et économique, décide de se lancer dans des histoires de jeunes hommes rebelles avec des flingues à la main et de bandits à cheval qui veulent détrousser des banques et des trains. Cholet est le plus iconique de tous si vous décidez de vous lancer à l'aventure, mes chers lonesome cowboys. Hey Joe, c'est Lucky Luke. Bon, mais Mélanie, ça veut dire que les comédies romantiques qui durent 3 heures, ça n'existe pas? Ah bah si, et pas qu'un peu. Vous voulez du triangle amoureux, du mariage contrarié, des courses au ralenti dans l'herbe haute, des chansons interminables et colorées? Choisissez n'importe quel film entre 1990 et 2000 de Shah Rukh Khan, Kajol, Rani Mukherjee, Salman Khan ou Aishwarya Rai et votre vœu le plus cher sera exaucé. On vous prévient, on ne sera pas tenu responsable des musiques à jamais gravées dans vos mémoires. Néanmoins, certaines comédies romantiques arrivent à casser les clichés et feront fondre votre petit cœur de guimauve. Bon, évidemment, il y a encore des tonnes de choses à creuser avec Bollywood. Une excellente série dans l'ambiance de The Handmaid's Tale, les origines du Kama Sutra, un film fou avec des zombies, un pseudo-pirate des Caraïbes, ou comment une Australienne est devenue la plus grande star des années 30, ou encore un biopic sur une actrice porno. Mais bon, tout cela, on vous l'a réservé en épisode. Du coup, si l'un de ces thèmes vous intéresse, foncez écouter Bollywood versus le podcast, car on a déjà discuté de tout ça en profondeur, et préparez-vous quand même à poser quelques RTT pour réussir à voir tous ces films. Quant à nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour décortiquer un nouveau film et un nouveau sujet de société. Bye, bye.